de l'île grecque de Halki après le naufrage hier soir d'un bateau où se trouvaient des dizaines de migrants. 96 ont déjà été secourus. Des Syriens, Irakiens, Somaliens et Kurdes. Ils naviguaient en direction de l'Italie depuis les côtes turques voisines. Le gouvernement grec dénonce la présence dans la zone de patrouilleurs turcs qui n'ont pas participé à l'opération. Nouvelle preuve de cette tension croissante entre Athènes et Ankara. Et c'est dans cette ambiance que se déroule en ce moment et jusqu'à vendredi un exercice militaire en Méditerranée orientale avec l'aide de la France. 3 avions Rafale, une frégate, un hélicoptère engagé pour ses manœuvres conjointes avec Chypre, la Grèce et l'Italie. La ministre française des armées appelle au dialogue. Elle affirme que la Méditerranée orientale est un bien commun, pas un terrain de jeu pour les ambitions de certains. Je cite, Grèce et Turquie s'y disputent actuellement à propos de gisements gaziers dans les zones disputées. Ça souffle de plus en plus fort dans le golfe du Mexique. L'ouragan Laura se renforce en catégorie 3 sur 5. Il pourrait atteindre le niveau 4 avant de toucher la Louisiane et le Texas aux États-Unis ce soir. Enfin, 10 petits nègres. Connais pas, imaginez-vous, hein, dans une librairie, demander en vain le célèbre roman d'Agatha Christie, impensable aujourd'hui. Pourtant, l'ouvrage change de nom en France ce mercredi, réédité par les éditions du Masque. Il s'appelle désormais « Ils étaient 10 » et le mot nègre a disparu du texte. Mais promis, dit l'éditeur, l'histoire, elle, ne change pas. Aujourd'hui sur France Inter, Jocelyn Borda et Zanzim sont dans Pop Hop Hop. 16h, Antoine Decaune. Il sera question de sexe dans le futur en 2069 et de confusion des genres. Pop Hop Hop, l'émission pop culture de France Inter. Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 16h. Bouygues Télécom. Thibaut et Tiphaine, deux tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiphaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. France Inter, il est 15h05 et c'est l'heure d'affaires sensibles. Bonjour Fabrice Drouel. Bonjour Marion Lourd. À tout à l'heure à 16h pour un prochain flash. À tout à l'heure. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la disparition de Joseph Doucet, pasteur évangélique, défenseur de toutes les minorités sexuelles. Le 19 juillet 1990, deux hommes frappent à la porte de Joseph Doucet et lui demandent de le suivre pour l'interroger. Son corps est découvert 3 mois plus tard dans la forêt de Rambouillet. Près de 30 ans après ces faits, cette affaire n'a pas été résolue. Qui étaient ces deux hommes qui sont venus interroger la victime? Comment est-il mort, le pasteur Doucet? Il n'y a pas de réponse à ces questions, seulement des pistes. Ce personnage atypique, exclu dans les années 80 de la franc-maçonnerie et de l'église baptiste, un courant évangélique du protestantisme, est un homme de réseau au carnet d'adresses bien fourni. Il ne cache pas son homosexualité et célèbre, bien avant le mariage pour tous, des unions entre personnes de même sexe. Mais il tient également des propos ambigus sur la pédophilie et participe à la diffusion d'une revue dirigée par un militant néo-nazi. Toutes ces activités sont surveillées de près par les renseignements généraux qui chargent une équipe d'infiltrer son entourage pour identifier de potentiels réseaux pédophiles. Cette affaire sensible nous plonge donc dans les méthodes douteuses des inspecteurs des RG qui n'hésitent pas à basculer dans l'illégalité. Notre invitée aujourd'hui, Patricia Touranchaud, journaliste indépendante, après une longue carrière à Libération, spécialiste du fait divers, hier comme aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avril 1982. Monseigneur Léon Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg, explique dans une conférence de presse qu'il respecte les homosexuels comme les infirmes. La phrase choque profondément la communauté homosexuelle. Une plainte est déposée. 6 mois plus tard, elle est jugée irrecevable par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Mais Antenne 2 profite de cette audience pour donner la parole à un autre homme d'église, beaucoup plus tolérant avec les homosexuels. Et c'est ainsi que les Français découvrent, ce mardi 30 novembre 1982, le pasteur Joseph Doucet. je suis chrétien pratiquant. Pour moi, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont l'essentiel dans ma vie. Mais je suis également homosexuel pratiquant et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et je ne peux faire le choix, je ne peux pas choisir entre les deux. J'accepte d'être un peu marginalisé en France comme l'unique ecclésiastique sans doute de notre pays et qui est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement pasteur. Car je ne peux pas en conscience faire un choix. Pour moi, c'est impossible. C'est quelque chose d'essentiel de ma vie. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'essentiel de mon existence que je vais aussi communiquer aux autres. Mais ma tendance, mon orientation homosexuelle que je n'ai pas choisie est homosexuelle. Jésus lui-même ne parle aucun moment au sujet de l'homosexualité et très peu d'ailleurs de la sexualité en général. Pour lui, l'amour, le premier sens de l'amour, c'est la justice. Et pour moi, je suis homosexuel, c'est vrai. Et je ne l'ai pas choisi. C'est un élément de ma vie. Je ne suis pas que homosexuel. C'est un élément de ma vie. J'en ai beaucoup d'autres, je l'espère. Joseph Doucet est né en février 1945 à Saint-Tron, en Belgique, dans une famille paysanne néerlandophone. Son enfance est rythmée par l'école, les travaux dans les champs et la religion catholique. Ses parents l'ont prévenu. Lui et son frère cadet, pas question de fréquenter des jeunes filles. Bien, ce n'est pas un souci, en fait, pour le jeune garçon. Car il confie, des années plus tard, dans un projet autobiographique publié dans la revue Ilia, « À partir de l'âge de 10 ans, j'étais toujours amoureux d'un ou deux garçons, à la fois. J'écrivais des poèmes, je recherchais leur présence, je cherchais des prétextes pour les toucher. Il souffre, car il garde ce secret pour lui. » Ils sont souvent à confesser à l'église ce qu'ils considèrent comme un péché. Mais ils n'y arrivent pas. Les mots ne sortent pas. Alors ils prient pour être délivrés de cette orientation sexuelle jugée anormale à son époque et surtout dans son milieu. Après 3 ans d'études consacrées à l'étude de la Bible, il quitte le séminaire à regret. Et il a bien compris qu'il ne pourra jamais y faire accepter sa différence. Il trouve alors un poste de surveillant dans un orphelinat en France, à Limoges. C'est là qu'il connaît sa première expérience homosexuelle. Il a 19 ans, son partenaire est un jeune pensionnaire de 16 ans. À la fin de l'année, il quitte la France pour faire son service militaire. Affecté dans une petite ville de garnison allemande, il trouve très vite le poste idéal en tant qu'assistant de l'aumônier militaire. Le jeune homme polyglotte aide tous ses camarades à l'alphabet, à la lecture et l'écriture de lettres. Puis il se tourne vers le protestantisme et plus particulièrement vers l'église baptiste. Il s'installe à Lens, où il côtoie la misère sociale. C'est au même moment qu'il entre en franc-maçonnerie. Octobre 1976, Joseph Doucet crée à Paris le Centre du Christ Libérateur, une association qui défend toutes les minorités sexuelles, homosexuelles, transsexuelles, sadomasochistes, masochistes, mais également pédophiles. À la recherche d'un lieu pour des réunions de parole, il prospecte dans tout Paris et organise ses premières réunions dans une salle de spectacle pornographique rue Fontaine, à Pigalle. Très vite, avec le bouche à oreille, ces réunions attirent de nombreuses personnes en quête d'informations et d'échanges. Pour animer ses groupes de parole, Joseph Doucet se base sur ses compétences acquises lors de ses études en psychologie et sexologie à l'université protestante d'Amsterdam. Ce diplôme lui permet ainsi d'accorder des certificats pour les hommes qui veulent être réformés du service militaire, moyennant finance, cela dit. Et puis, Joseph Doucet est un avant-gardiste. Près de 30 ans avant le mariage pour tous, il organise des unions entre personnes du même sexe. Il appelle cela les bénédictions d'amour et d'amitié. Une équipe de journalistes de France 3 assiste à l'une de ces cérémonies le 2 février 1985. Seigneur notre Dieu, tu as entendu l'échange de ses promesses, tu connais le cœur, les sentiments de ses amis. Des cérémonies comme celle-ci, il y en a eu en France plus de 70 en 10 ans. On les appelle bénédictions d'amour et d'amitié, puisqu'à l'évidence, les partenaires ne sont pas passés devant Monsieur le maire. Celle de Lyon, aujourd'hui, est la première célébrée en public, et c'est la première fois aussi que l'un des partenaires est lui-même pasteur évangélique. En tant que chrétien, nous avions besoin de présenter notre amitié devant Dieu et de recevoir surtout sa bénédiction et ses bienfaits. Moi, je pense que c'est un droit. C'est ni une provocation. On veut montrer au monde qu'on existe et qu'on s'aime. Qu'on s'aime, en fait. Et que moi, je pense que tous les homosexuels, en fait, devraient réagir, en fait, de notre façon aussi, de se montrer à la place de vivre secrètement. Pendant près d'une quinzaine d'années, le pasteur célèbre une centaine de bénédictions et lutte sur tous les terrains pour faire avancer les droits de toutes les minorités sexuelles. Le pasteur dispose d'un grand carnet d'adresses, à la fois dans le showbiz et le monde politique. Il est très proche, par exemple, du député radical socialiste Henri Cavaillé. C'est ce parlementaire qui ira défendre la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité en 1981. Car avant cette date, la majorité sexuelle était de 21 ans pour les homos contre 15 pour les hétéros. Mais le député Henri Cavaillé cesse de soutenir Joseph Doucet lorsqu'est publié en 1988 la pédophilie en question, où le pasteur envisage une dépénalisation de la chose. En juillet 90, des journalistes de France 2 l'interrogent. Il n'y a pas de mineurs. Il faut avoir au moins 18 ans pour venir dans notre établissement. Et le fait même de se réunir et dans une dynamique de groupe de parler de ce qui préoccupe les pédophiles, où ils ont des peines, des préoccupations, des interrogations, où ils cherchent comment vivre dignement leur sexualité, leur vie affective, n'est pas encore les inciter à la débauche, n'est pas encore approuver la pédophilie elle-même, n'est pas encore faire l'éloge de la sexualité avec des enfants. Si dans cette interview, Joseph Doucet se défend d'impliquer des mineurs dans ses groupes de parole pédophiles, il n'hésite pas à participer à la diffusion d'une revue ouvertement pédophile appelée Gay France, Gay G-A-I-E. Dirigé par Michel Quenier, un militant néo-nazi, de surcroît, ce magazine est composé essentiellement de photos de jeunes adolescents dénudés. Voilà pour le portrait du pasteur Joseph Doucet, personnage sulfureux qui navigue entre plusieurs univers. S'il se revendique encore pasteur en 1990, il ne l'est plus officiellement depuis le début des années 80, car il a été excommunié de l'église baptiste. D'ailleurs, il a été aussi exclu de sa loge maçonnique, notamment à cause de ses célébrations d'union homosexuelle. Mais surtout, il est surveillé par les renseignements généraux, dont le but est d'infiltrer l'entourage du pasteur pour démanteler de potentiels réseaux pédophiles. Le nouveau patron des RG, Claude Bardon, confie au début de l'année 90 cette mission au GER, le groupe des enquêtes réservées, une section spéciale pour les affaires sensibles. Dans ce groupe, il n'y a que très peu de rapports écrits. Non, on rencontre le patron à l'oral seulement. Cela permet de préserver le secret. Les inspecteurs Gilles Azéma et Jean-Marc Dufour se lancent dans leur mission de surveillance au printemps 90. Ils planquent devant la librairie du pasteur Autre Culture et prennent des photos de toutes les personnes qui fréquentent cet établissement. Sous l'impulsion de leur chef, Claude Bardon, qui a longtemps travaillé à la police judiciaire, les inspecteurs du GER doivent enquêter et infiltrer ce milieu, ce qui n'est pas habituellement la mission des RG. Jeudi 19 juillet, 19h30. Le pasteur quitte sa librairie en compagnie d'un ami séminariste. Il rejoint la rue Clairaut, où se trouve son association, le Centre des Christes Libérateurs, mais aussi son logement, qu'il partage avec son compagnon Guy Bondard. Les trois hommes dînent ensemble quand la sonnette retentit. Le pasteur déverrouille la porte de l'immeuble et ouvre celle de son appartement. Deux hommes s'avancent dans le couloir. L'un des deux sort un portefeuille avec peut-être, peut-être, une carte de police, selon le témoignage de Guy Bondard. L'un des hommes lance alors au pasteur, « Suivez-moi, j'aimerais beaucoup que vous me suiviez, monsieur. Vous en avez pour longtemps ? 20 minutes ? Une demi-heure ? Demande Bondard ? L'inconnu acquiesce. Une demi-heure, tout au plus. » Joseph Doucet les suit, sans s'inquiéter. Les heures passent, et Guy Bondard lui commence à se faire du souci, car le pasteur n'est toujours pas revenu. Le lendemain, il se présente au commissariat du 17e arrondissement. Les policiers ne prennent pas ce cas au sérieux, après tout. Le pasteur est peut-être allé rejoindre un amant. Les jours passent et plus aucune nouvelle de Joseph Doucet. Le 2 août 1990, la disparition du pasteur sort dans la presse et fait la une du journal de France Inter, alors présentée par un jeune journaliste. Disparition du pasteur Doucet. Voilà une affaire entourée d'un épais mystère. Célèbre pour son action auprès des homosexuels, le pasteur n'a plus donné signe de vie depuis le 19 juillet. Son action également contre la drogue et la prostitution enfantine peut lui avoir valu quelques haines. Qui pourrait expliquer un enlèvement ? C'est une piste, ce n'est pas la seule. Deux semaines après la disparition du pasteur, les policiers de la brigade criminelle explorent plusieurs pistes, mais l'une d'entre elles est privilégiée. Ils enquêtent sur les agissements de leurs collègues des renseignements généraux et, notamment, sur une scène qui s'est déroulée au domicile même du pasteur un mois avant sa disparition. Vers 1h du matin, ce jour-là, Jean-Marc Dufour, Gilles Azéma et le reste de l'équipe tambourinent à la porte du pasteur. Ils sont éméchés et n'y vont pas de main morte. Doucet et son compagnon Mondard sont effrayés. Ils appellent la police. Arrivés sur place, les gardiens de la paix comprennent qu'ils ont affaire à des collègues. Alors, ils expliquent à Joseph Doucet qu'il s'agit de la police secrète, je les cite. Guy Mondard se souvient plus tard. Avec le pasteur, on s'est fait la réflexion, bien dis donc, hein. Pour des agents secrets, ils ont plutôt l'air de piliers de bistrot. Interrogé dans les locaux de la PJ, l'inspecteur Jean-Marc Dufour finit par avouer. Oui, lui et ses collègues ont bien frappé à la porte du pasteur Doucet un mois avant sa disparition. Et Guy Mondard le reconnaît formellement lorsque l'inspecteur lui est présenté au commissariat derrière une vitre sans teint. Les policiers de la PJ reconstituent alors l'emploi du temps des trois inspecteurs des RG le jour de la disparition du pasteur. Le 19 juillet, vers 18h, deux d'entre eux se rendent à la librairie du pasteur dans le 17e arrondissement pour consulter des revues jugées sensibles. Vers 19h10, les trois policiers des RG discutent et boivent des bières dans un café proche de la librairie en compagnie d'un indicateur. Vers 20h15, ils prétendent avoir levé la filature pour se rendre dans le Val-de-Marne et commencer une planque pour une affaire de stupéfiants. La journaliste Patricia Touranchot explique dans l'émission Faites entrer l'accusé pourquoi leur alibi est très fragile. Jean-Marc Dufour, moi je l'ai questionné là-dessus. J'ai dit, attendez, personne vous a vu là-bas. Et lui dit, mais c'est quand même normal. C'est quand même normal qu'on était très bien cachés, que personne ne nous voit, et même pas Phobos qui nous a renseignés, etc. Ce sont pas les indices qui font la loi. Ensuite, eh bien, ils ont passé la nuit à faire la fête dans les bars de Pigalle en prenant bien soin de se faire remarquer. Les policiers de la PJ ne sont pas convaincus, mais ni Guy Mondard, le compagnon de Joseph Doucet, ni l'ami séminariste du pasteur ne reconnaît formellement parmi les inspecteurs des RG ceux qui sont venus le soir du 19 juillet chercher Joseph Doucet. Voilà, en ce mois de juillet 90, l'enquête est au point mort. Il faudra attendre le mois d'août et un appel anonyme pour que cette affaire prenne une nouvelle dimension. C'est un journaliste de leur journal Libération qui reçoit l'appel. On lui parle d'intimidation et de coups de feu tirés pour effrayer. Et le responsable serait un homme qui n'a pas fini de faire parler de lui. Il s'agit toujours de Jean-Marc Dufour, l'inspecteur des RG. Considered. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Septembre 1990, Libération sort son scoop. Dans les colonnes du journal, Pierre Didier, l'homme qui a appelé le quotidien, explique comment des policiers des RG ont voulu faire de lui un infiltré dans l'entourage du pasteur Doucet. Mais pourquoi viser Pierre Didier, un dessinateur industriel sans problème? Eh bien, Jean-Marc Dufour a fouillé dans les différentes fiches de police et il se trouve que lors d'une perquisition dans le cadre d'une autre affaire, des revues pornographiques avaient été retrouvées chez Pierre Didier. À l'époque, les policiers avaient noté dans sa fiche que l'homme était probablement homosexuel. Il n'en faut pas plus à Jean-Marc Dufour pour le cibler comme futur indicateur. De toute façon, il n'a que cette possibilité et il subit chaque jour la pression de son chef, Claude Bardon, pour obtenir des infos sur les liens possibles entre le pasteur Doucet et les réseaux pédophiles. Alors il faut recruter, et au plus vite, un informateur. Il ne restait plus qu'à convaincre Pierre Didier de devenir l'indique des RG. La première rencontre est assez tendue. Jean-Marc Dufour et trois autres policiers se rendent au domicile de Didier. L'inspecteur lui explique ce qu'il veut et il lui dit: ce que je te demande, c'est de voir ce qui se passe dans une librairie, rien d'autre. Et il ajoute, on pourrait faire ressortir ton dossier si tu ne nous rends pas service. Face à la pression exercée par Jean-Marc Dufour, le dessinateur accepte la mission et note l'adresse de la librairie qu'il est censé infiltrer. Mais les jours passent et Pierre Didier refuse de bosser pour les RG. Il le dit même à Jean-Marc Dufour lors d'une conversation téléphonique. Je trouve cette histoire dégueulasse. Jean-Marc Dufour est dans l'impasse. Il n'a réussi à obtenir aucune information exploitable sur le pasteur Doucet et son seul indice potentiel lui a fait faux bond. Alors, le 2 juillet, il bascule dans l'intimidation, très limite. En compagnie d'un collègue des RG, il se rend au domicile de Pierre Didier. Il frappe, sonne à la porte, aucune réponse. Alors il allume une pochette en papier et la glisse sous la porte pour susciter une réaction, qui sait ? Pierre Didier se méfie peut-être et a peur d'ouvrir. Et c'est bien le cas. L'indique n'ose pas ouvrir, effectivement. Il tourne en rond dans son appartement. Puis tout à coup, une détonation. Jean-Marc Dufour a sorti son 357 Magnum et a tiré dans la porte, à hauteur de la serrure. Pierre Didier panique. On veut le tuer, c'est certain. Il n'y a plus d'espoir. Il se rue dans la salle de bain et se taillade les veines avec une lame de rasoir. Les deux policiers, persuadés que l'appartement est vide, quittent l'immeuble rapidement. Une voisine, alertée par le bruit, se rend alors à l'étage de Pierre Didier, frappe à la porte avant de le retrouver dans un état de sidération. Il est rapidement pris en charge et secouru par les policiers. Mais revenons au vendredi 14 septembre, le jour de la publication de l'article dans Libé. Au même moment, Jean-Marc Dufour et son collègue sont écroués à la prison de Bois d'Arcy pour l'affaire Pierre Didier. Quant au pasteur Joseph Doucet, il est toujours introuvable. 15 jours plus tard, l'inspecteur des RG libéré mais placé sous contrôle judiciaire. Olivier Metzner, l'avocat de Guy Bondard, le compagnon du pasteur Doucet, réagit à cette libération sur Antenne 2. La libération de Jean-Marc Dufour m'inquiète. Et m'inquiète parce que son inculpation pour l'exaction qu'il a commise au domicile de Didier est très révélatrice du comportement de Jean-Marc Dufour. Et il est évident que sa mise en liberté ne va pas améliorer la qualité de l'enquête actuelle dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement du pasteur Doucet. Si Guy Bondard est bien défendu par Olivier Metzner, Jean-Marc Dufour, lui, frappe un grand coup en convainquant Jacques Vergès de devenir son avocat. Ce ténor du barreau, à la fois craint et respecté, explique pourquoi et comment il a accepté de défendre l'inspecteur des RG dans l'émission « Faites entrer l'accusé ». L'inspecteur Dufour vient me voir me dit « J'ai l'impression qu'on veut me faire porter le chapeau dans cette affaire. J'ai l'impression que ça arrange tout le monde. Et que ma hiérarchie ne va pas me soutenir. Qu'ils vont finir par m'inculper. Et je voudrais que vous soyez mon avocat. » À quoi je lui dis « J'accepte. Mais je voudrais savoir pourquoi vous me désignez moi, vous, qui êtes au RG. » Et à ce moment-là, il me fait cette réponse qui m'amuse. Il me dit « Parce que je vous connais. » Je lui dis « Mais d'où me connaissez-vous ? » Il me dit « Je vous suis le jour et la nuit. Je vous écoute. J'ouvre votre courrier. » Je dis « Alors ?» Il dit « Alors, à la suite de toute cette surveillance, j'ai acquis une confiance en vous. » La ligne de défense de Jean-Marc Dufour est claire. Premièrement, il assume totalement ses méthodes d'intimidation, notamment celle exercée sur Pierre Didier, et il le dit publiquement à la sortie d'une audition au tribunal de Nanterre. Est-ce que ça fait partie des techniques d'investigation, des renseignements généraux, de frapper aux portes, de tirer dans les portes ? Ça peut éventuellement faire partie de méthodes d'intimidation indirecte, puisque dans le cas précis, c'est une intimidation indirecte, afin d'amener quelqu'un à collaborer, oui. Admise par la hiérarchie ? Ben écoutez, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été admises, puisque la hiérarchie a été informée de ce qui s'est passé. Avant d'ajouter qu'il n'est pas inculpé dans l'affaire du pasteur Doucet, mais seulement témoin. Enfin, il révèle ce qu'il a déjà dit des semaines plus tôt aux enquêteurs de la PJ. Il affirme qu'il avait pour mission de compromettre plusieurs personnalités du monde politique et médiatique. Votre mission devait aboutir à quel résultat ? Elle devait aboutir au résultat de les mettre en cause dans le cas où ils auraient été mis en contact avec un jeune homosexuel. En ce qui concerne les deux premières personnalités. Vous n'êtes pas arrivé au bout de cette opération ? Je n'ai jamais débuté cette opération. Si ce n'est que j'ai recruté une personne pouvant faire l'affaire, c'est tout. On m'a jamais demandé de débuter l'opération. La bombe est lâchée, ou plutôt l'écran de fumée pour faire diversion. Car l'histoire est séduisante. Les RG auraient voulu mettre des jeunes hommes homosexuels dans le lit du garde des Sceaux, du PDG d'Antenne 2 et de France 3, ainsi que d'un célèbre avocat marseillais. Tout cela pour monter de toutes pièces des affaires de mœurs. Mais tout est faux. Deux jours plus tard, nouveau tournant dans l'affaire. Le corps du pasteur Doucet a été identifié. En réalité, le cadavre a été découvert depuis plus d'une semaine, mais il était tellement méconnaissable qu'il a fallu plusieurs jours pour s'assurer qu'il s'agissait bien du pasteur. Mercredi 17 octobre, un cueilleur de champignons tombe sur le cadavre dans la forêt de Rambouillet, à 5 km de Clairefontaine. Il pense d'abord à la carcasse d'un chevreuil ou d'un singe. Il raconte sa découverte devant les caméras d'Antenne 2. J'ai fait venir les gendarmes sont venus, oui, ils ont décrété que c'était... bien un être humain. Mais est-ce que le corps était découvert ou est-ce qu'il était enterré? Découvert, il y avait des chaussures, il n'y avait absolument rien autour. Il y avait des chaussures ou quelque chose, ou un vêtement. Moi je lui ai dit tout de suite, ça y est, c'est un cadavre, mais absolument rien, pas de chaussures, absolument rien du tout. Il prévient les gendarmes qui récupèrent le corps et l'envoient à la morgue pour l'autopsie. Les gendarmes ne font pas tout de suite le lien avec la disparition du pasteur, non? C'est au bout de plusieurs jours d'examen qu'ils arrivent à la conclusion que le corps est bien celui de Joseph Doucet. Mais il n'y a aucune trace de coup, de balle, ni fracture, ni hématome. La seule conclusion qui semble s'imposer, c'est que le pasteur est probablement mort étranglé. Deux jours plus tard, ce meurtre est l'occasion d'une passe d'armes à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition réclament une commission d'enquête parlementaire sur les méthodes des RG. Jack Lang, qui ne s'y attendait pas, s'est retrouvé assiégé par une cohorte de députés de l'opposition qui ne lui parlait plus culture mais renseignements généraux, affaires Doucet et manipulations policières. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, vous ne pouvez pas sourire, c'est grave. Et je souhaite, comme chacun d'entre nous, que monsieur le ministre de l'Intérieur, qui jusqu'ici est resté silencieux, vienne s'expliquer devant nous. Nous avions demandé la création d'une commission d'enquête. Elle nous a été refusée par une procédure que nous contestons. Nous demandons donc la création d'une commission de contrôle, car il faut que les Français sachent si les renseignements généraux sont, oui ou non, une police politique. L'opposition porte donc ce matin la polémique devant l'opinion publique. Côté majorité, on se replie toujours derrière des arguments juridiques pour justifier le refus de créer toute commission. Bref, pour ce qui est d'évoquer les renseignements généraux, les socialistes sont plutôt aux abonnés absents. Le 19 novembre, Jean-Marc Dufour est convoqué devant le conseil de discipline, appelé le tourniquet dans le jargon policier. Il doit s'expliquer sur le tambourinage intempestif au domicile du pasteur Doucet, sur la balle tirée dans la porte de Pierre Didier et sur ses déclarations dans la presse qui l'ont fait sortir de son devoir de réserve. Mais une nouvelle fois, Jean-Marc Dufour prépare un coup d'éclat médiatique en compagnie de son avocat, Jacques Vergès. Il refuse de comparaître devant le conseil de discipline. Son avocat et lui-même s'en expliquent devant les caméras de télé. Nous sommes retirés, laissant ces messieurs délibérer entre eux sur ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que le conseil de discipline va juger administrativement l'inspecteur Dufour sans lui. Sans lui, exactement. L'affaire Doucet a éclaté il y a 4 mois exactement. Pendant 3 mois, je me situe. Je n'ai fait aucune déclaration. Vous pouvez le vérifier. J'ai commencé à vouloir réagir, vu que ça faisait 3 mois que j'étais traité d'assassin quotidiennement. Lorsque j'étais en prison, ça a été encore pire. Donc j'ai voulu réagir. Avant de faire quelques déclarations que ce soit, j'ai envoyé un courrier recommandé à mon directeur, M. Bardon, afin qu'il me défende et afin qu'il ne m'oblige pas à transgresser mon obligation de réserve. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler et de me défendre. Dans la foulée de ce conseil de discipline, Jean-Marc Dufour est révoqué. Il n'est plus policier. Et le GR, le groupe des enquêtes réservées, est dissous. Le 24 novembre, sur ce point, l'avocat Jacques Vergès réagit. On a dissous le GR, on réforme les RG. Cela prouve que l'on reconnaît qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal dans l'institution. Je ne dis pas que l'institution, son travail était entièrement négatif, mais il y avait des dérapages. Et ce n'est pas en sacrifiant un petit soldat après un autre petit soldat, Azéma après Dufour ou Dufour après Azéma, qu'on va remettre de l'ordre dans la maison. Jean-Marc Dufour et Jacques Vergès ont une stratégie de défense simple mais efficace. Dufour, qui a toujours été auditionné comme simple témoin dans l'affaire du pasteur Doucet, demande au juge d'être inculpé pour avoir accès au dossier et préparer ainsi une défense avec les éléments de l'enquête. Mais la juge d'instruction n'inculpera jamais l'ancien inspecteur des RG. Mois après mois, l'enquête s'enlise et il n'y a toujours aucune nouvelle piste. Quant à Jean-Marc Dufour, il n'existe pas la moindre preuve contre lui. Alors, l'affaire tombe peu à peu dans l'oubli, quand, en pleine campagne électorale pour la présidentielle de 95, un homme politique reparle du pasteur Doucet, et pas n'importe qui, c'est le ministre de l'Intérieur en personne, Charles Pasqua. Le pasteur Doucet a été enlevé par des inspecteurs de police des renseignements généraux. Il a disparu. Tout cela a été couvert par le gouvernement socialiste. Charles Pasqua, patron de tous les policiers en tant que ministre de l'Intérieur, n'hésite pas à accuser ses équipes de l'enlèvement et du meurtre du pasteur Doucet. Mais, curieusement, Pasqua ne sera jamais auditionné par un juge. Cette affaire du pasteur Doucet restera l'une des plus mystérieuses de la Ve République. Qui avait intérêt à faire taire le pasteur ? Face à cette question, toutes les hypothèses ont circulé, notamment la théorie d'une deuxième équipe qui aurait doublé l'inspecteur Dufour tout en voulant lui faire porter le chapeau. Disons que cette affaire aurait permis de faire un peu le ménage dans les pratiques plus que douteuses des renseignements généraux qui s'apparentaient à une police politique, ce qui fait désordre, tout de même, dans une démocratie. Standing in the spot where the last hit fell. Your magnolia scent still lingers there. They say I should wish you well. Truth is, really don't care. Do up, do up. Do up, do up. Do up, do up. toi. Memories of you are my nightmares, and my dreams you're standing there. Still I try to wish you well, but I can't feel what isn't real. Love, blue confetti falling, born of man broken hearted. Vous écoutez France Inter, affaire sensible aujourd'hui, la disparition du pasteur Doucet dont nous allons parler avec notre invitée Patricia Touranchot. Bonjour Patricia. Bonjour. Journaliste indépendante, passionnée de faits divers, je disais, dans le passé et aujourd'hui encore. Vous avez fait une longue carrière pour Libé dans le fait divers et vous avez couvert cette affaire Doucet. Alors déjà, l'IRG enquête sur cette affaire-là. J'ai cru comprendre que normalement ce n'est pas leur rôle, ils interviennent pas sur ces terrains-là. Là, ils interviennent. Pourquoi ? Alors, c'est étrange. Les RG sont censés ramener des renseignements en matière économique, politique et sociale hein, pour le gouvernement à l'époque. Sauf que les RG de la section presse ont repéré une petite annonce dans une revue spécialisée en mai 90 qui annonçait des réunions sur le thème de la pédophilie, donc chez le pasteur, au centre du Christ libérateur. Donc là, des RG vont photographier des participants hein, venus discuter de la sexualité des mineurs dans ce centre. Et les RG identifient un postier qui a déjà été condamné pour attentat à la pudeur sur des adolescents, ainsi qu'un prêtre qui a été emprisonné par le passé. À partir de là, c'est encore dans leur rôle de faire des photos de surveillance, etc. Mmh. Pour moi, à partir du moment s'ils ont un soupçon hein, que des pédophiles puissent, à travers le centre du Christ libérateur, se livrer à des actes sur des mineurs, ils doivent immédiatement en référer à la police judiciaire, à la brigade des mineurs de la PJ de Paris, qui s'occupe de ça. Donc là, on a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'à cette époque, vous l'avez bien dit tout à l'heure, le nouveau directeur des renseignements généraux s'appelle Claude Bardon. C'est un grand flic de police judiciaire qui est mis à s'occuper des RG et qui a entrepris de les rendre plus professionnels, plus performants. Et c'est là où ça dérape. Hein. Parce que normalement, ces photos de surveillance là avec les deux pédophiles répertoriés devant le centre du Christ libérateur, elles doivent aller immédiatement à la PJ qui, elle, va voir s'il y a un soupçon réel, c'est à la PJ d'enquêter, pas au RG. Alors, dans ce cadre-là, il y a donc Dufour, le célèbre Dufour, dans cette affaire. Il est victime, finalement, de cette politique de son patron, où il collabore, où il fait du zèle. Manifestement, il a des pressions alors, quand même. Ce serait la troisième solution, c'est-à-dire que Dufour, c'est une personnalité à part, qui a été écartée déjà à un moment donné d'un groupe au sein des RG qui s'appelait la section direction, je crois, qui était dirigée par un certain Roger Durand. Et Bardon et la hiérarchie des RG se sont aperçus qu'ils faisaient n'importe quoi. Mais Dufour est passé à la trappe parce qu'il était en formation à ce moment-là. Donc il est revenu par la fenêtre dans le groupe des enquêtes réservées. Dufour, c'est un biturin. C'est un mec qui n'arrête pas de picoler et qui a été éduqué au RG à l'école des coups tordus du groupe de Roger Durand. Et d'ailleurs, ce groupe au sein des RG était surnommé avant la brigade des coups tordus. Voilà. Et donc, Dufour n'est pas un cas isolé, malheureusement, mais il est quand même très à part au sein des RG. Hein, et ses méthodes sont quand même très particulières et ne sont pas partagées par l'ensemble des RG à l'époque. Alors, il y a notamment cette tentative de recrutement de l'indicateur Pierre Didier, que Jean-Marc Dufour et son équipe croyaient homosexuel. D'ailleurs, on voit qu'il y a un amalgame assez malsain à l'époque de toutes ces affaires. On parle de minorité sexuelle et puis de pédophilie. La minorité sexuelle, c'est tout à fait légal. La pédophilie, c'est un crime. Hein. Donc, il y a une espèce d'amalgame malsain, non ? À l'époque. Oui, c'est-à-dire que, ouais, vous avez raison. Jean-Marc Dufour là se plante de cible. Mais oui. Hein, parce que Pierre Didier, bon, il avait été arrêté en 86, hein, parce que sa copine était sympathisante d'un groupe terroriste espagnol qui s'appelait les Grappos et qui cachait des armes. Ok. Ouais. Pendant cette perquisition, il avait été trouvé des bouquins porno chez Didier. Là, Dufour en conclut que s'il y a des bouquins porno, c'est qu'il doit être pédé. Déjà, il avait une copine. Mmh. Et puis que de là, il est bien capable d'aller infiltrer, en gros, le centre de ce pasteur pédé. Et il confond tout, en fait. Il confond tout. Il confond des bouquins porno avec des gens homosexuels. Il confond des homosexuels avec des pédophiles. C'est ça, mais c'est ça qui est terrible. C'est n'importe quoi. Mais oui, qu'on confond des pratiques sexuelles avec la pédophilie, c'est grave. Bon, mais il est comme ça. Il est bas de plafond. Hein, bas de plafond. Oui. L'histoire du coup de feu dans la porte, c'est assez bas de plafond, si j'ose dire. C'est hallucinant. Ben, expliquez-nous. Oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça fait partie, cette histoire du coup de feu dans la porte chez Pierre Didier, qui va faire qu'il a failli se tuer, le pauvre. Il était terrorisé. Ça fait partie de la panoplie des méthodes des coups tordus de Jean-Marc Dufour. Hein, il y a ça, il y a les menaces, il y a les intimidations, il y a les coups de feu dans les portes, il y a les tambourinages dans la porte du pasteur complètement aviné pour le pousser à faire un truc. Il y a aussi, hélas, l'arrachage de gens. Il est arrivé à Jean-Marc Dufour, qu'il écrit lui-même dans son livre qui s'appelle Section Manipulation, il a écrit que ça faisait partie disons qu'il lui arrivait de cueillir ou d'inviter à bord d'un véhicule pour l'emmener prendre l'air à la campagne ses indiques, hein, et je le cite là. Par exemple, il a un de ses correspondants peu honorable à ses yeux qui s'est retrouvé un jour tout nu dans la neige du côté de Grenoble. Ouais. Même Momo, qui était son indique, hein, qui était un mec qui gravitait, je crois, dans les milieux syriens, Momo, son indique, qui s'est fait rafraîchir les idées une nuit dans un cimetière. Vous voyez, ça fait partie, ce genre de truc. Un coup de feu dans la porte, embarquer un indique récalcitrant, le mettre tout nu et puis le laisser à poil dans un cimetière ou dans une forêt, ça fait partie malheureusement des méthodes du four. Bien, Patricia Tranchot, je souriais parce que tout à l'heure vous avez parlé de biturin et on reconnaît, on reconnaît le langage des faits diversiers. on se retrouve dans 4 minutes pour continuer de parler de cette affaire et notamment de la défense avec les avocats. À tout de suite. La vie comme l'histoire. je n'ai pas cessé de t'aimer. Où va passer ton âme? Viens, je sais le secret. Il n'y a rien après la mort. La Féline sur France Inter, où est passée ton âme? France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Où est passée ton âme, Patricia Tourancheau? Nous, on ne sait toujours pas où est passé le pasteur Doucet. On retiendra quand même quelques le casting de cette affaire, et notamment le duo Jean-Marc Dufour et Jacques Vergès. On a entendu Jacques Vergès tout à l'heure dire pourquoi il défendait Dufour. Il y a, comme d'habitude chez cet avocat, une part de malice dans ce qu'il dit. Bien sûr, mais ce duo est extraordinaire. Ils se sont trouvés et ils ont été très efficaces. Puisque donc Jacques Vergès, sa stratégie, c'est quand même de déporter les accusations, les soupçons qui pèsent sur Jean-Marc Dufour, de les faire bifurquer sur les politiques, la hiérarchie policière, le ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'il appelle la défense de rupture, hein, je crois. C'est sa théorie. La défense de rupture, voilà, c'est ce que voilà qu'il avait innové en Algérie. Enfin, bref. Absolument. Il déporte, il détourne les accusations sur d'autres, et donc c'est un grand déballage. Et ça marche parce qu'ils vont exhiber des noms de personnalités qui auraient été mouillées dans des trucs. Bon, ces personnalités-là, notamment le PDG à l'époque de France 2 et France 3, les a attaqués en diffamation, il a gagné. Mais ça marche à l'époque. Et ce duo marche tellement bien qu'il fait peur même aux enquêteurs pourtant brillants de la brigade criminelle et à la juge Catherine Courcol. Elle m'a avoué, cette juge, je l'ai rencontrée à l'époque et puis quelques années après, elle m'a avoué qu'elle a eu peur. Elle n'avait pas beaucoup d'éléments contre Jean-Marc Dufour, mais elle aurait pu aller jusqu'à l'inculper à l'époque. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a été intimidée, elle a eu un peu peur de Vergès et de tout ce qui pourrait déballer et casser dans son dossier. Et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas fait. Donc finalement, les deux ont été efficaces. Sauf qu'ils vont inventer une théorie de la seconde équipe, la seconde équipe, c'est-à-dire que alors même que Jean-Marc Dufour et sa bande de bras cassés étaient en train de surveiller la librairie Autre Culture le 19 juillet 90, donc au moment où va disparaître le pasteur Doucet, une seconde équipe serait venue embarquer le pasteur pour Alors, pourquoi déjà? Ah oui, un pasteur qui, soi-disant, était maître chanteur, et tout ça pour éviter un scandale éclaboussant l'Élysée. Au nez et à la barbe de l'équipe à Dufour, hein, qui, du coup, porterait le chapeau. Cette théorie-là, les policiers de la brigade criminelle l'ont fait raconter pendant 8 heures d'interrogatoire à Jean-Marc Dufour, ont vérifié point par point ce qu'il racontait. C'est bidon. Je veux dire, c'est du vent, cette histoire de seconde équipe. Et vous savez, tout à l'heure, quand vous avez terminé donc la conclusion de l'émission, là, qui était super, mais à un moment, vous dites, qui avait intérêt à faire taire le pasteur Doucet? C'est pas ça, l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est que Dufour, lui, il veut pas faire taire le pasteur Doucet, il veut le faire parler. Et l'hypothèse numéro un de la brigade criminelle, même si ce dossier n'a pas abouti, et donc qui est aussi la mienne, c'est que Jean-Marc Dufour, il voulait secouer le pasteur, il voulait le faire parler sur des personnalités qui éventuellement auraient fréquenté son centre, qui éventuellement auraient été pédophiles, comme un certain curé dans la Nièvre, etc. C'est tout ça qu'il voulait Jean-Marc Dufour. Alors ça veut dire... Et à un moment donné... Oui. Comment ? Patricia, ça veut dire que si quelqu'un, si on voulait le faire... parler, peut-être qu'il a disparu parce que d'autres voulaient le faire taire. Non ? Non. D'accord. Très bien. L'hypothèse numéro un dans ce dossier, c'est que Jean-Marc Dufour aurait pratiqué donc le scénario le plus vraisemblable. Moi, j'écrivais ça à l'époque et c'est on en est toujours là aujourd'hui. Le scénario le plus vraisemblable, c'est un arrachage. Hein, ça fait partie des méthodes à Dufour. C'est un enlèvement pour intimider, pour forcer à collaborer quelqu'un ou à parler. D'accord. Voilà. Sauf que le pasteur, c'était pas quelqu'un de facile. Hein. Le pasteur, il les a suivis. Hein, les types qui sont venus, qui ont présenté une carte tricolore, il les a suivis. Mais après, il a très vraisemblablement été embarqué en bagnole. Et jusque dans cette forêt de Rambouillet, là, mis tout nu ou pas, je ne sais pas, mais ils ont voulu le secouer. Dufour, il voulait savoir des noms, il voulait savoir des trucs, lui, sûrement lui-même, pour faire chanter des personnalités, pour faire chanter des gens derrière. C'est sa personnalité. Depuis le début, il a fait que des trucs comme ça. Et vous savez, quand il invente une... Enfin, il parle de sa deuxième équipe. Ce qui est très intéressant, c'est que Dufour... Il a déjà parlé d'une deuxième équipe pour le tapage nocturne du 19 juin quand il tambourinait la nuit contre la porte du pasteur. Au début, il avait dit c'est une deuxième équipe, ok ? Oui. Ça s'est avéré faux, archi faux. Mmh. Donc son truc de la deuxième équipe, c'est... Voilà, c'est pas... Ça tient pas. Bon, alors, d'accord. Okay. Maintenant, quelle est la thèse, l'hypothèse, pour le coup, qu'on peut retenir de la disparition de Doucet maintenant ? Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un trio de Hergé qui espérait faire chanter des personnalités politiques, qui pensaient dans leur petite tête de tordu que le pasteur Doucet recélait des photos compromettantes ou je ne sais quoi, et qui ont voulu le faire parler, et sur les gens qui fréquentaient aussi ces réunions sur la pédophilie. Et à un moment, ça ne marchait pas, puisqu'il n'a pas ouvert la porte le 19 juin 90 que Police Secours est intervenu. À un moment donné, les Hergé le 19 juillet 90, ils y vont et puis ils décident de l'embarquer pour aller le faire parler un petit peu et le secouer, hein, pour l'intimider. Ça fait partie de leur méthode et ça tourne mal. Je pense que ce n'est pas un assassinat prémédité. Hein, mais c'est quelque chose qui a mal tourné. Voilà. Bien, là, c'est clair. Il a été étranglé, le pasteur. Hein, ça, c'est l'examen de ses dents. Oui, absolument. Le prouvait, ouais. Absolument. Ouais. On l'a précisé par le récit. Et qu'il faudrait chercher du côté de l'équipe à Dufour. C'est ce qui a été fait à l'époque. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent encore parler aujourd'hui. Hein, parce qu'il était quand même entouré de toutes ces... alors, il y avait ces stagiaires ou ces petits policiers qui étaient autour de lui, hein, sur lesquels il avait vraiment le dessus. Mais il y avait aussi des gens comme Christian Peroncel, qui était un espèce d'ancien mercenaire en Rhodésie, en Afrique du Sud et au Liban. Moi, je l'ai rencontré à Conflans-Sainte-Honorine. Il y avait un Jean-Pierre Bince, qui lui était marchand de biens, ex-garde du corps à l'ambassade de Liban, qui ce soir-là traînait avec les Hergé le 19 juillet 90 au Voltigeur, au café d'à côté à faire des flippers, et qui dit qu'il est rentré chez lui à côté rue des Apennins, et qu'il a regardé le feuilleton télévisé. Voilà, il y a peut-être des choses qui sortiront un jour. Donc, hein, sa compagne lui avait donné un alibi. C'est pas forcément un cold case, quoi. Ça peut-être ressortir. Bref, le dossier est refermé, mais... Moi, je garde toujours un petit espoir, quoi. D'accord. Alors, dernière chose. L'IRG s'apparentait comme une police politique, quand même. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, à l'époque, oui. L'IRG, oui, à l'époque, c'était une police politique qui informait le gouvernement. Alors, il y avait des trucs bons, hein, en matière économique, politique et sociale, pas de souci. Ouais. Après, ça allait trop loin. C'était pas encadré. Enfin, bien sûr. Oui. Bon, très bien. Merci infiniment, ouais. Patricia Touranchot, pour toutes ces précisions si précises. Je dois le préciser. Au revoir. J'ai pas fait le parallèle avec la Verbenbach. Hein. Non, c'est vrai. On aurait pu. Bon, on a plus le temps. C'est-à-dire, bon. Ouais, il y a des. Non, on a vraiment plus le temps, Patricia. Ouais, okay, on a plus le temps. Désolé. Okay. À bientôt. Bon, au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition du pasteur Doucet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, je l'en remercie, il y avait Paul Percheron. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.